Ouais. Ce soir j'arrive dans le club en mode chacal. Ce soir dans le club ça va être bestial. J'te repère au milieu de la piste. Comment t'es magnifique. Salut beauté, moi c'est Original Gangsta. Authentique lava. Tu danses bébé. Ça va être chaud. Dis c'était bien moulé dans ton petit jean. J'aime trop ton style quand tu te dandines. Franchement t'es au top, t'es trop sublime. Tiens chez moi on boira pas de la grenadine. Si t'es pressé on fait ça sur le parking. Si t'es pas pressé faut que je passe au pressing. Je vais te démonter comme une tente de camping. Ce sera tellement chaud on va passer au zapping. Si je te fais trop mal à côté y'a une clinique. Si tu veux du monde on peut faire ça en public. Moi je garde mes chaussettes, je trouve ça plus pratique. J't'avais prévenu, je suis un grand romantique. Quand je te mate j'ai vraiment trop les boules. Quand je te tâte je veux plus jouer au boule. Quand tu veux je t'attrape, quand tu veux je te boule. Tu sais t'es un beau mal, tu sais t'es un beau boule, mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake. J'aime quand tu shake ton booty. T'es trop mon style, t'es trop mon style de mec, mec. Vas-y laisse-moi toucher tes pecs, mec. Dans mon baggy, c'est le plan sec, sec. T'as besoin d'argent, je peux te faire un shake, shake. Toi et moi, ce sera brocasse mentale. J'aime trop ta sueur, j'aime trop ton haleine. Je veux que tu me fasses du mal sans me faire de peine. Tu peux même me gifler, me mettre une golden. Je veux pas savoir ton nom, je m'en fous, je suis pas flic. Vu ton matos, je t'appelle Mobile Dick. T'es bien bâti, boy, comme une Honda Civic. Je serai Angelina et tu feras Brad Pitt. Moi, je veux te mater, je t'appelle pas l'halogène. Tu peux mettre une perruque, tu peux m'appeler Madeleine. Même si je suis un peu gros, si j'ai un peu de bedaine. Tu vas voir, même en blonde, je suis pas si vilaine. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake. J'aime quand tu shake ton booty. Shake, shake, shake, shake. J'aime trop ton boule de mec. J'aime trop ton boule de mec. J'aime trop ton boule de mec. J'aime trop ton boule de mec. J'aime trop ton boule de mec. J'aime bien les chers, mais docile. Et quel genre de mal. 25 ans du sexe à pile. C'est quoi l'idéal. 25 cm pile. Est-ce que tu as des poils. Tous les jours je m'épile et je m'appelle Fatal. Ouais mec. Ouais, allez tous les mecs check leur booty là. Check ton body. Oh ouais vas-y bébé bouge ton boule t'es beau mec. Check ton body. Allez tout le monde les bruns, les blonds, les chauves, les roux. Non pas les roux. Check ton body. Ah je suis en sueur. Vous êtes tous mon style de mec les mecs. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop.